Un pirate ou eyeliner, des morts vivants, un trésor. Cette semaine, on a maté Pirates des Caraïbes et on en parle tout de suite. Alors, ma flamme, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Pirates des Caraïbes, la malédiction de la perle noire de Gore Verbinski. Forcément le nom le plus moche du monde. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Mickaël. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Antoine. Ça va? Ça va très bien. À tes côtés Mickaël, Greg. Bonsoir Greg. Bonsoir. Ça va Greg? Ça va. Et enfin Julie. Bonsoir Julie. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Super. Quelle douce voix suave. C'était l'intro la plus rapide du monde. Cette semaine, on parle de Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, sorti en 2003 de 143 minutes, avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Keira Knightley, Jack Davenport et Jonathan Pryce. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Croire aux histoires de fantômes, Mademoiselle Turner, vous en vivez une. Les gars, vous vous souvenez tous du capitaine Jack Sparrow? Tuez-le. Je vais t'apprendre ce que ça fait de souffrir! Vous aimez souffrir? Essayez de porter un corset. Moi j'ai une première question, est-ce que cette musique est dans le film? Non. Non. Ouais. Par contre, c'est la seule vanne. Spéciale bande-annonce. C'est la seule vanne du film qu'on vient d'entendre. Le corset, quoi. Qui nous a beaucoup fait rire, je pense. Ah, moi j'étais mort de rire. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ouais. Qui a aimé le film? Moi. Ouais. Explique-nous pourquoi maintenant. Explique-nous pourquoi. Non, j'adore. Parce que sinon, je t'explique pourquoi je l'ai pas aimé. Non, j'adore parce que ça me. Enfin, ça te fait rêver. Ça quoi. Me fait rêver. Bah, c'est les pirates. C'est... Non, j'adore cet univers. Je trouve que. Ouais. Bah, après, je suis quelqu'un de très Disney. Alors, du coup, forcément, je suis un public conquis d'avance un peu. Ouais. Et je trouve que ça a bien vieilli. C'est assez fun et assez. Voilà, il y a de l'action. Moi, je suis d'accord avec Julie. Je l'avais vu au cinéma. J'avais adoré. Je l'ai revu plusieurs fois. J'avais adoré. Et là, je l'ai vu la fois de trop. J'en pouvais plus. Ah ouais. Mais pour le coup, je suis hyper fan de l'univers. Je trouve que ça tient hyper bien. C'est hyper bien fait. C'est hyper cool. Mais là, j'ai vu de la fois de trop, quoi. Donc là, on va bien kiffer ces heures de perdu parce que du coup, j'ai pas aimé, quoi. Moi, c'est pareil. Hein. J'ai tous tes arguments, mais ça veut juste dire que j'aime pas, en fait. C'est pour ça que j'ai les mêmes arguments. Pas Disney, mais... Bah moi j'ai pas détesté en fait, mais j'étais un petit peu déchu comme l'ange. J'étais un peu déçu, j'avais jamais vu en fait, hein, comme Greg. Non, en plus j'avais jamais vu. Je l'avais jamais vu et pareil tout le monde, un peu comme Matrix, tout le monde m'a dit ah bah Pirates des Caraïbes, tu vas passer un bon moment. Puis en fait bon, j'ai pas passé un moment désagréable, mais moi j'ai cru que j'allais passer un bon moment et franchement c'était vraiment chiant quoi. Ça tourne en rond, c'est tout le temps la même chose. On va sur un bateau, on va sur un autre bateau, après on revient sur le bateau, sur l'île, hop, on reprend le gars, après on fout 2-3 zombies dans l'eau. Bon, là, voilà, je vais résumer. Qui raconte contre, l'histoire? Bah voilà, par contre, moi j'ai une fois de plus en fait, la bibliothèque m'a donné un film de Romero. C'était quoi les zombies? Ouais, bah le titre. Bon, qui raconte l'histoire? Ouais, alors sans la lettre, parce qu'elle est vraiment très complexe. Mais juste globalement, la malédiction, tout ça. Bah, en gros, il y a plusieurs équipes. T'as les corsaires, ceux qui sont installés aux Caraïbes. Il y a les pirates. C'est exactement où tu vas, où tu vas aller. Il y a les pirates zombies. Et il y a d'autres pirates qui sont pas zombies. Et il y a Jack Sparrow et il y a une princesse. Oh là là. Et après tu mélanges le tout, tu fais une soupe et tu mélanges et tu fais des boucles. Pas du tout raconter l'histoire en fait. Et donc bon, moi, je vais te raconter. Non, je vais là, faire, un effort. Et les méchants pirates en fait ils sont zombies la nuit, enfin au clair de lune. Et du coup ils doivent récupérer le trésor qu'ils avaient volé. Ils doivent restituer le trésor pour ne plus être zombies. T'as d'ailleurs, je viens de cogiter juste à l'instant, en fait, c'est tout le temps la pleine lune dans leur monde à eux, là. Parce que ouais, on le voit trois fois, et à chaque fois, c'est la pleine lune, quoi. Ouais. Enfin, généralement, les pleines lunes, elles sont pas séparées par 6 semaines. Hein. Ouais, mais ça veut dire que le reste du temps, ils sont zombies aussi, ou pas trop? Bah, en même temps, ils s'en foutent d'être zombies ou pas, quoi. Ouais, ils ont l'air de s'en branler, ça a pas l'air d'affecter leur fringue, ni rien. Ouais, non, mais c'est juste pour l'image qu'ils sont zombies, c'est vraiment le prétexte. Voilà, c'est ça. Mmh. ça change rien. C'est pour l'attraction Disney. Effets spéciaux, quoi. Oui, c'est pareil. Très Disney. Bons effets spéciaux. Mais d'ailleurs, je crois que c'est un des seuls films sur Terre qui est fait à partir d'une attraction oui, Disney. C'est ça. Quoi. Ouais. Non, ouais, y a ouais. La, bah maintenant il y a Tom Holland, il y a le manoir hanté, il y en a plusieurs quand même. Ah ouais. C'est une anecdote que j'aime, me la pète quoi. Bon bref. Excusez-moi. Donc le film commence. Sur un petit donc ils sont on est sur un rafio sur un gros corsaire ouais, un gros bateau ouais. Et ils croisent un tout petit enfant sur un rafio, j'ai pensé à Willow moi. c'est le bébé de Willow qui s'est perdu sur l'océan. Ça c'est quand même super marrant parce que la moum m'a fait oh regardez un enfant et derrière en fait t'as un navire qui est en train de craquer qui est ouais, énorme ouais, c'est-à-dire ouais. Qu'elle voit le môme avant c'est de la merde, je dois te voir à 200 000 nautiques. 1000 nautiques attention. Bon, on va parler en termes marins, j'ai plein de détails sur la marine. Alors pour ceux qui ne nous écoutent jamais, qui savent pas ce que c'est qu'une Jurassic Park. Une Jurassic Park, c'est quand ouais. Un personnage dans un film est face à quelque chose d'évident face à lui et qu'il va mettre 15 secondes avant de s'en rendre compte. Ouais. Et des Jurassic Park dans ce film, il y en a des milliards. Ouais, déjà, le bateau en feu. Ouais, ça c'est le premier. C'est-à-dire qu'il y a un bateau en feu à 100 mètres et il voit le petit radeau. Tu c'est-à-dire vois, qu'en ouais. Mer, ça se voit pas trop un bateau en feu. En donc et il recueille l'enfant. Alors ça, c'est des raccords dans le film. Il y en a au moins 7 ou 8. Est-ce que vous êtes déjà tombé à l'eau d'une barque et vous essayez de remonter dans la barque? Est-ce que vous avez déjà vu à quel point c'est chiant et compliqué? Là, eux, ils remontent sur des corsaires de 30 mètres de haut, mais en un seul plan. Ils le font, mais plutôt. Et ça arrive très, très souvent, ouais. Tu sais, genre, il est en bas, aidez-moi! Et le plan d'après. Quatre. Ah, et il est tout sec, tu sais, genre. Ah non, en plus, il est évanoui à ce moment-là. Il leur monte inconscient, hein, le gamin. Ils font comment avec un lasso? Ce n'est pas des Américains. Voilà. Ouais, donc, il remonte sur le bateau et en fait donc c'est la petite fille qui est à bord du bateau qui va le recueillir. Et il a un mystérieux médaillon. Un médaillon de pirate parce qu'il y a une tête de mort dessus. Sait qui décide de faire des pièces avec une tête de mort dessus, ça sert à quoi? Je t'arrête tout de suite, ce n'est pas un médaillon pirate, c'est un médaillon aztèque. Ça il le précise très bien au début, c'est un trésor aztèque. Les aztèques ils peuvent pas mettre des gonzesses sur leurs pièces, il faut qu'ils mettent des têtes de mort. Tu vois, nous on a Marianne et tout. Et alors c'est marrant parce que du coup le gamin il a moitié noyé, enfin il leur monte sur le bateau et il reprend conscience un dixième de seconde et il voit juste une nana qu'il connaît pas sur un bateau qu'il a jamais vu qui lui dit là, d'ailleurs. T'inquiète pas, je vais veiller sur toi. Et il fait ah oh, bah je peux me rendormir alors. Et il se rendort automatiquement. Il s'est réveillé 10 ans plus tard. Et c'est Légolas. C'était l'intro de la princesse, elle est petite, on va l'appeler la princesse, même si c'est pas une princesse. Et ouais. Après on revient le son de cinéma puisqu'on la voit s'endormir petite et hop elle se réveille, voilà. Elle se réveille grande et là c'est un flashback, il y a le papa. Non, c'est pas un flashback, c'est une ellipse, exactement. Soyons précis. Et là il y a le papa qui arrive. Mais les termes marins tu maîtrises, mais les termes cinématographiques pas tellement finalement. C'est pas grave, on est là avec Miguel. On va t'aider. Et donc là, il y a le papa. Surtout, laisse-les parler. De toute façon, je vais les couper. Là, il y a le papa qui arrive et moi, ça m'a fait marrer parce qu'il rentre dans la piole et elle planque son médaillon parce que bah, ça doit être chiant parce qu'elle le porte tout le temps, elle le planque tout le temps devant son père, tu vois. Et donc, il fait oh ma chérie, regarde quelle belle journée. Et là, il ouvre les volets et t'as un espèce de méga décor. J'ai envie qu'ils disent ma chérie, regarde ce beau décor. Regarde ce décor de cinéma. Mais surtout, il a l'air d'être 13h, quoi. Et puis donc là c'était je vais vous faire tout seul hein, je vais pas vous laisisser parler. Et après il y a l'intro de Jack Sparrow tac donc là mais attends voilà, là c'est la fin, il retrouve le truc et voilà. Et là il y a Legolas qui arrive parce que lui c'est un forgeron d'épée, on se rend compte que c'était le petit qu'ils avaient recueilli voilà. Qui est en réalité un pirate. Mais ça personne le sait sauf elle. Et même lui, il le sait pas, à la limite. Même lui, il le sait pas. Ah non, lui, il le sait pas. Et déjà, on voit, alors c'est vraiment hyper subtil, je sais pas si vous avez réalisé, parce que c'est vraiment, vraiment, c'est des jeux de mise en scène, mais on voit déjà qu'ils sont fous l'un de l'autre. Ça te vomit à l'écran, tu sais, genre ils se font des regards, c'est limite, elle est pas en train de galocher dans le vide pour lui montrer qu'elle en a envie, quoi. Moi, je trouve que lui, on voit qu'il en a envie, mais elle en a un peu rien à foutre. Moi, je suis d'accord avec lui. Ah bon? Mais elle est complètement folle de lui? Mais non, moi, je trouve pas du tout, justement. Bah non, et d'ailleurs, je trouve que le jeu où elle devient un peu folle de Jack Sparrow, où tu te poses la question, genre, est-ce qu'elle va pas aller avec Jack Sparrow en milieu de film, marche plutôt bien. En même temps, c'est un squelette, lui. Bah, temps, c'est le mec qui a inventé l'eyeliner. Hein. En même temps, on a vraiment l'impression qu'elle se fait chier, elle, du début à la fin du film. Vous trouvez pas que Keira Knightley, elle a vraiment cette air vraie. Bah, non, elle avait l'air de se faire chier sur les plateaux, quoi, plus que dans le film. Air de mauvaise humeur tout le temps. Ouais. Elle est jolie, hein. Moi, je la trouve jolie. Elle est très jolie. Elle est très jolie. C'est vrai qu'elle fait un peu la gueule. C'est limite, elle a pas un crabe dans le dos. Sur sa robe bustier. Ils avaient tourné la première moitié du film, elle a un cure-dent dans la bouche. Et donc là, après, on introduit le personnage de Jack Sparrow qui arrive à Port-Royal. Alors, qui arrive sur un bateau entièrement vide, c'est-à-dire que le mec il navigue avec juste son eyeliner et son kit de dévaquillant. Il se nourrit exclusivement de bulots. Et il arrive. En plus, il est plein d'eau, son rafio. Allez. Coup de chance, il coule Bill Paul au moment où il arrive. Voilà, exactement. Ça, c'est calculé. Hein. Ouais. Oui, il est très serein quand il arrive. Ouais. Et il arrive à Port-Royal, on lui dit ouais, donc il corrompt déjà le mec. Parce parce qu'en fait, dès le début, il y a des trucs genre, c'est marqué pirate interdit et tout machin. Le mec qui a la pire dégaine de pirate, il arrive. Et genre, on lui dit rien, on lui dit pas attention, il y a un pirate, on lui dit monsieur, vous avez pas payé le port, quoi. Tu peux pas faire plus pirate. En même temps, C'est exactement ce que j'ai noté. Moi, je trouve qu'il ressemble plus à... Personne réagit, quoi. Ouais. Le mec, il s'est gabillé en pirate. Ouais, mais non, moi, je trouve qu'il ressemble plus à un tuffer qui revient d'un festival reggae, en fait. Tu vois. Un peu, ouais. Rien, voilà. Après, c'est la cérémonie du Commodore Norrington. Mm. Ouais. Dit qu'il va être fait, Commodore. Il y a la proposition de mariage. Elle ne peut plus respirer parce qu'elle a mis un corset. Elle tombe de 800 mètres. Oui. Et elle évite les rochers. Ouais, coup de chance hein, parce qu'il y en avait quand même pas mal en dessous quoi. Ouais. Ouais, d'ailleurs personne d'autre ne saute parce que mais vous allez vous tuer. Elle est tombée complètement par hasard en plus elle a son corset donc elle va disons à ce moment-là, il avait 9 chances sur 10 de finalement de se marier avec une paraplégique. C'était bien joué finalement. Ouais. Et donc Jack Sparrow la sauve. Et le petit vicieux, il pense à la dessaper dans l'eau, je sais pas si vous avez parce qu'il sait que c'est le corset. En fait. C'est un petit vicieux le Jack hein. Alors déjà, il y a l'effet sonar du collier parce que dès que le collier touche l'eau, ça envoie un appel automatique une espèce d'onde dans l'eau. Au Black Pearl. Ah bon ? T'as pas fait gaffe ? Oui. Ah non, moi non plus. Bah, c'est pour ça qu'en fait le Black Pearl il se ramène, c'est parce que le collier touche l'eau. Ah ouais. Et hop, effet sonar. D'un seul coup il fait moche. Bah oui. C'est un peu tiré par les cheveux. Il y a plein de trucs tirés par les cheveux dans ce film. Hein. Oh. Ah si, il y a plein de trucs tirés par les cheveux. Mais la malédiction, j'ai pas tout bien compris. Il va falloir me dire tiré par les dreadlocks plutôt. Mmh. Oh. Oh. La malédiction, on va revenir dessus, on fera un point malédiction tout à l'heure. Ouais, ça va être nécessaire, je crois. Donc le code, je suis désolé, on va en parler, mais on va parler du code aussi. On va parler du code, avant le code des pirates. Oui, oui, oui, ouais, il y a un point code. Une sorte de guide, quoi. Ça, c'est le joker du réalisateur, hein, le code des pirates. Hein. Bravo, bien joué. Là, en plus, alors, là, ça va hyper vite. Oui, c'est pour ça que j'explique un peu vite. Ça va hyper vite, mais il se passe tout le temps la même chose. Donc là, il va en tôle, puis après, il ira en tôle, il va au moins 8 fois en tôle dans le film. Tu vois, vraiment, c'est un tôlard, c'est. Et là, il la prend en otage. Parce que du coup, voilà, il disait, ah, mais c'est un pirate. Alors là, simplement maintenant, il découvre que c'est un pirate. Il voulait laisser arriver. Ce qui est marrant, c'est qu'au moment où il sauve, en fait, la princesse, là, tout le monde se rend compte que c'est Jack Sparrow. Donc il est hyper connu, mais comment les gens ils peuvent savoir qui c'est? Comment ils ont son image? En fait, ils ont pas internet à l'époque. Mais non, mais t'as pas vu, mais alors, mais vous avez pas suivi le film. Parce mais que dans les paquets, ses... mais non, mais regarde ses tatouages. Il a le P de pirate, et au-dessus, il a un tatouage d'oiseau, donc de Sparrow. Sparrow, non, ça vous dit rien? Ok, c'est comme ça qu'il repère que c'est Jack Sparrow. D'accord. Et d'ailleurs, je vous le dis, Elisabeth, elle s'appelle Elisabeth Swan, le cygne. Ouais. Et Turner, c'est le nom d'un célèbre ornithologue. Voilà, et en fait, ça fait exprès. D'accord. Que des noms d'oiseaux et. Ça fait des anecdotes. Alors, ça, tu t'es enfermé. Je suis bien renseigné. Pirate des Caraïbes a été écrit par un fan d'œuvres d'oiseaux. C'est très important. Donc là, il la prend en otage. Ça m'a vraiment fait marrer. Donc les mecs, ils sont hyper armés, c'est des flibustiers total et tout. Et là, il prend la meuf. Lui, il est enchaîné, donc il a des chaînes entre les deux mains. Oui. Ouais. Et il les met autour de la gonzesse. Et d'un seul coup, les mecs, ils font oh, tout le monde lâche ton arme. Mais il va faire quoi? Tu vois, il va l'étrangler, mais c'est un processus qui dure 20 minutes étrangler quelqu'un. Tu vois, il suffit de lui arriver, de lui mettre une droite ou de lui tirer dessus. Quoi. Ah, c'est la princesse quand même. Tu ne décodes pas avec la princesse, quoi. Bah, en tout cas, ce qu'ils font, c'est qu'ils lui donnent ses effets où il y a un flingue. Donc là, effectivement, à mon avis, oui, là, tu vas dominer. Quoi. Ah, mais il a une balle dans le flingue, une seule balle. Ouais. Là, après, ça, c'est un truc qu'il va y avoir dans tout le film aussi. C'est il s'enfuit. Et il y a toujours les petites poulies qui vont bien, les contrepoids nickel. C'est vraiment des calculs hein, quand même. Parce que son évasion, elle est quand même spectaculaire. Hein. Tu sais, c'est les jeux qu'on avait avec la petite bille qui tombe dans un truc, ça fait descendre un domino. Bah là, c'est ça, tout attrape souris. Je pense que c'est les mêmes concepteurs que le temple dans Indiana Jones 4. C'est les mêmes mecs, ouais. Bah là, c'est clair. Mais surtout, en vrai, toi, t'essayes de faire ça, tu sais, ça coince, tu te pinces, tu te pinces le doigt, tu te colles le bras, tu vois, ça marche pas du tout comme ça, quoi. Après, il y a le combat de 25 minutes avec le forgeron. Avec le forgeron, ouais. Ils sont chiants, les combats. Hein. Ils sont. Oh, hein, putain. Non, ils sont pas si mal. C'est comme dans Matrix, c'est les seuls trucs que j'ai bien aimés, en fait. Mais ils sont entertainants quand même. Tu vois, il y a l'âne, il y a le machin. Ouais, moi, j'ai pas trop aimé les combats. En fait, j'aime pas trop les combats de manière générale. Toi, t'es un mec. Pacifique. T'es un mec pisse, ouais, moi, tu vois, je trouve que vaut mieux discuter avant de parler. Ouais, avant de se battre. Bah, sans, on va regarder des films français. Hein, je tâcherai de te dire ça le samedi après minuit. C'est pas trop ce que tu fais. En Zappoy, t'as pas vraiment cette philosophie. Quoi. Donc ensuite, Jack Paro, il est en prison. Maintenant, il s'appelle Jack Paro. Sparrow, ça te dit rien? C'est le perroquet. Encore une fois, une anecdote. Et là, il est sur le bateau, là, il arrive sur un bateau. Hein. Mais non, il est dans les. Il est enfermé. Oui. Il est enfermé en prison. Là, ça va durer des heures. C'est l'attaque des pirates. Ah oui, c'est l'attaque des pirates, d'accord. Ouais. On parle des pirates débiles qui arrivent et qui désinguent tout. Là, j'ai une deuxième Jurassic Park. C'est-à-dire que tout Port Royal est attaqué. On entend des explosions dans tous les sens. Et à un moment, Elisabeth, la nana, elle est dans son château palais, perpète. Ouais. Elle fait. Tiens, des bruits étranges. Elle va à sa fenêtre, elle ouvre le volet, et alors là, tout le village est en feu. Ça fait 25 minutes que le truc est en attaque, et on entend ding dong, et il y a les pirates qui sont déjà là, quoi. Ouais. Oh, un enfant. Il y a un détail qui m'a un peu marqué, c'est, on est en pleine nuit, hein, parce qu'ils attaquent en pleine nuit Port-Royal. Tout le monde est dehors, ça doit être sûrement le soir de la fête de la musique. Tout le monde est dehors habillé, comme ça. Et Là, après, il y a le fameux parley, donc c'est peut-être le moment code d'honneur, si tu veux. Le parley. Oui. Pour parler. Ah oui, le fameux. Alors déjà, les pirates arrivent pour enlever, parce que leur objectif c'est d'enlever la princesse pour lui prendre son médaillon, justement. Ouais. Et ils frappent quand même à la porte. Pour faire verser son sang. Ouais. Ouais, mais bon, ils savent quand même pas le encore, parce qu'ils savent pas qu'ils. Ouais, c'est parce qu'elle va se présenter comme. Ouais, c'est quand elle va se présenter comme. Elle va se présenter comme Elizabeth Turner, et eux ils vont dire, voilà. Ah, c'est la fille du pirate. Pourquoi elle se présente comme ça d'ailleurs? C'est pas vraiment expliqué. Oui, mais on n'est pas obligé de tout expliquer, on peut faire des films aussi où on laisse de la subtilité. Et attention, elle les menace, parce que de là, excuse-moi, subtilité, c'est ça que et très subtil. C'est pareil, à un moment, tu vois, elle les tient un peu en joue, parce que tu te dis, bon, bah, il y a 60 cums trop chelous sur le bateau, ils vont la violer. Non, parce qu'elle menace de jeter le médaillon par-dessus bord. C'est vrai. Bah, il y a peut-être 10 mètres de fond, sauf que t'apprends plus tard dans le film qu'ils peuvent marcher du col et qu'ils peuvent aller chercher le médaillon. De la violer? Attends, on est dans un film Disney. Non mais t'as l'ombre de ça, c'est une princesse toute seule sur un bateau avec des pirates, quoi. Moi je me suis dit ça sent mauvais pour Elisabeth, hein, à ce moment-là. Ouais. Non mais déjà tu fais un bond quand même énorme là. Tu veux dire que le code, on n'a pas expliqué le code. Moi je tiens à ce qu'on explique à Julie, voilà. Fais le point code. Au pif, Julie, explique-nous le code. Le code? Ouais. Le code des pirates. Pourquoi est-ce que des mecs sanguinaires et qui tuent juste tout ce qui bouge respecteraient un code? Bah parce que oui, non, mais ça c'est intéressant, honneur, à la limite, ça c'est marrant, pirates. Ça. Bah, c'est quand même un joker pour le scénariste, quoi. Bah non, parce que sinon il l'aurait tué tout de suite. Il y avait les codes de pirates à l'époque, j'en suis certaine. Bah, comme il y a des codes de cowboy, comme il y a des codes. Bah si. Code de cowboy. Bah, il y a le code de la route, tu vois bien, tu l'appliques. Mais non, mais c'est le code d'honneur. En même temps, dans Mad Max, il n'applique pas le code de la route. Ça fonctionne pas, ce que je dis. Bon. Ensuite, on fait aussi la découverte de Rastafari et Christian Garambeu, là. Je sais pas si vous avez vu ce pirate, là. C'est tonton David. Il m'a fait trop marrer. Chacun sa route. Il y a aussi le Black dans La Vigie, dans Astérix. Tu sais, il est là aussi. Il fait un petit caméo. Et du coup, Elisabeth, elle va rester sur le bateau. Là, moi, j'ai écrit sur ma fiche, bah, à mon avis, c'est le bad, hein, parce que tu restes sur ce boat. Capitaine boat. Le plus classe de l'histoire de tous les capitaines des pirates. Il y a Geoffrey Rush. Capitaine Barbossa. Le mec qui mange les pommes les plus vertes du monde pendant tout le film. Il y a un pommier à bord, hein, parce que en vrai, t'embarques une cagette de pommes, au bout de deux jours, elles sont toutes noires. C'est pour éviter le scorbut, ils mangent toujours. D'ailleurs, il s'appelle Barbossa, non pas comme un oiseau, mais comme le capitaine Barbarossa, qui était un vrai pirate turc. Ah, ça, évidemment, vous le saviez évidemment. Pas. Bah, Barberousse. Moi, je pensais que c'était le joueur. C'est Barberousse en plus. Ah oui. Je pensais que c'était le joueur de Léviathan Gaillard, qui s'appelle Cédric Barbossa, mais ça n'a rien à voir. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, hein, bon, je suis déçu. C'est un dommage. Hein. Probablement, à la belle saison qu'ils ont fait. Et c'est aussi Jack Sparrow, c'est John Sparrow, qui est l'arrière-droit de Châteauroux. Donc là, le Barbossa, il récupère le pendentif de la princesse. Et lui, le truc le plus malin qu'il a à faire, c'est de le filer à un singe. C'est-à-dire que t'as pas moins fiable qu'un singe. T'as 50% de chance qu'il en fasse n'importe quoi et qu'il le berde. Alors c'est quand même la pièce maîtresse pour sa salvation. C'est un singe mort-vivant, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il ne ressent plus rien. Lui aussi, il est en bad. Lui aussi veut qu'on arrête la malédiction. Et surtout, demain, enfin, c'est le lendemain, donc le village a été attaqué. On ne sait pas trop s'il y a eu des morts ou pas beaucoup. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il faut quand même aller sauver Elizabeth Turner qui a été enlevée. Elizabeth Swann. Et oui, je suis en train de me tromper. Et là, t'as Turner, là, les Golas. Ouais. Il monte dans les tours tout de suite. Il va voir le Commodore et il fait non, mais j'en ai rien à foutre, on va sauver Elizabeth, j'en ai rien à foutre. Le Commodore, il fait ouais, bon, petit gars, calme-toi, tu vas faire une erreur. Et du coup, direct, il enfreint toutes les lois. Il va libérer Jack Sparrow, il va voler un bateau. Enfin, il va vraiment. Non, il fait pas les choses à moitié. Fallait pas qu'on le fasse. Ouais. Ça va, il lui a parlé trois fois dans la vie, faut pas déconner quand même. Ouais. D'ailleurs, là, il y a un triple cut quand ils volent le bateau parce que t'as un écran. Après, ils sont sous la barque sur la plage. Qui a l'air de faire 200 kilos, quoi. Enfin, parce que déjà, on les a pas vus passer tout le temps. Oui. Après, on les voit pas marcher dans l'eau. Après, ils sont sous l'eau, ils marchent avec la barque. Genre, ça, c'est strictement impossible. Bon, enfin, bon, c'est du cinéma. Y a pas besoin de s'appeler Jamie pour montrer que c'est impossible sur le plan physique, quoi. Non, mais après, t'as un autre cut où ils sont sur le bateau, quoi. Donc là, t'as trois cuts. Ah ouais, alors là, pour remonter, c'est vraiment chaud. Mais peut-être que pour remonter, ils tournent la barque et hop, ça remonte automatiquement à la surface. Enfin bon, bon bah voilà, c'est le premier vol de bateau ou c'est déjà le troisième, je me souviens plus. Donc là, ils volent l'intercepteur. Donc c'est un bateau à mon avis, un truc comme ça. L'intrépide. il faut 40 personnes hein, juste s'en occuper. Quoi. Donc lui, c'est pas naviguer l'autre. Donc là, il y a tout un micmac parce qu'il y a un autre bateau qui arrive et du coup, tout le monde va à l'abordage en fait. De celui-là. Et du coup, l'autre il est vide, donc ils vont sur l'autre. Ouais. Et hop, ils partent. Ça c'est pas mal, je trouve. Ils partent tranquille. C'est malin. Bah oui, c'est malin. Il y a une troisième Jurassic Park parce qu'il y a des mecs qui sont dans une petite barque. Et il y a le bateau des méchants qui a. C'est l'énorme corsaire, tu vois, qui vogue sur les eaux. Et t'as les mecs en petite barque. Et d'un seul coup, ils sont face au bateau qui leur arrive dessus. Ils font ouah, il va nous rentrer dedans. Genre à un mètre. Et surtout, tu sais, ça va hyper lentement des bateaux. Enfin, tu vois, t'avais largement le temps de te décaler. Ou... Ah ouais. Enfin, bref. Et là, ils se rendent sur l'île bordel, en fait, c'est un bordel. Donc, c'est partout, c'est pareil, c'est ouais. Que, film de cowboy, film de pirate, dès qu'il y a un bordel. Tu veux dire western, c'est ça? Ouais. c'est pareil, il y a deux noms. Ouais, et là, c'est la castagne totale et permanente, mais ça a été directement tourné à l'attraction Disney, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, pour ceux qui y sont allés. Et en fait, c'est marrant parce que, justement, les deux seuls qui se bastonnent pas, c'est Jack Sparrow et puis son pote. Mm. Et le patron vient les voir en disant, excusez-moi, je vous demandais de vous battre quand même. Il y a que vous qui vous battez pas dans ce bar, quoi. Mais il y a plein de jolies références à l'attraction. Il y a déjà dans la prison, il y en avait une avec le chien avec les clés. Ah oui, il y en a une avec le chien avec les clés. Là, il y en a une avec le mec qui est allongé sur les cochons. Après, il y a les nanas, enfin les prostituées, les filles de joie qui ressemblent vraiment à celles de l'attraction. Il y a beaucoup de choses qui sont. Je reviens. Bah, c'était des animatroniques dans le film. Je reviens sur le chien qui a les clés. Hein. Ouais. C'est pas le moyen le plus sûr pour conserver des gens dans les joies. C'est pareil, il file le truc au singe, au chien. Ils ont une grande responsabilité. Et Jack Sparrow, c'est un oiseau. Un Fleury-Mérogis, c'est un labrador. Hein, Et alors là, il y a un truc qui m'a vraiment fait marrer, c'est Jack Sparrow. Je vais pas y arriver. Il arrive à Tortuga, il y a une meuf qui arrive, clairement c'est une pute, elle le gifle. Il y a une deuxième meuf qui arrive, fait « Tu m'as trompé !» Elle le gifle, c'est quoi? Le mec, il avait des relations sérieuses avec des putes. C'était quoi? Il leur avait promis fidélité ou... Ouais. Peut-être qu'il les a pas payés. Ah bah, bon, ça dure pas longtemps, là, sur l'île, en tout cas. Ah bah si, bah, vient le moment du recrutement. Ah bon? Ah c'est oui. C'est juste ta nouvelle aventure? Je vais pourchasser la perle noire. Je sais où je peux la trouver. Et je vais la capturer. Jack, c'est de la folie furieuse. Tu connais mieux que moi les histoires de la perle noire. C'est pour ça que je sais ce que Barbossa veut faire. Je veux juste un équipage. Donc je m'excuse par avance, parce que c'est pas la VF française, c'est la VF québécoise. Moi, c'est celle-là que j'ai vue. Non, putain, mais t'as dû en chier. Ah, quoi. Mais la perle noire, ça vous fait pas penser. Je veux la capture de la perle noire. J'avais pas capté. Donc là, recrutement, comme tous les recrutements, t'as toujours la gonzesse qui se fait passer pour un man, et en fait, c'est juste l'avion de chasse total et ultime. Qu'est-ce qu'elle est belle, pour cette quoi fille. Elle est magnifique. Hein. Qui ça, la métisse, là ou... Ouais. C'est Zoé Saldana, c'est ça? Disney. Ouais. C'est pas elle dans... Elle dans Les Gardiens de la Galaxie. Elle est verte. Elle est... Et c'est pas elle aussi dans James Bond Quantum of Solace? C'est possible. Je suis pas sûre. Voilà, c'est le seul podcast où on n'est jamais sûr de ce qu'on raconte. Attends, quand tu me sais, je suis plutôt contente de ne pas être sûr de qui est dedans, hein, parce que vu comment c'est mauvais, enfin bon, bref. Ensuite, après ça, c'est... Il recrute. Ouais. Mais alors, c'est marrant parce qu'il y a toujours... Alors, c'est là qu'arrive enfin le pirate avec le perroquet sur l'épaule. Ouais. Ah oui. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire tenir un perroquet continuellement sans qu'il se barre sur l'épaule? Et surtout, il doit tout le temps se faire chier dessus, en fait. C'est insupportable, quoi. Alors, une fois par semaine, il doit changer d'épaule, de temps en temps. Et bon, ça à la limite c'était marrant, enfin tu vois, je pense que c'est encore des références à l'attraction, donc on lui confirmera. Oh, c'est une bonne guerre. Donc après ça c'est sur l'île de la Muerta, Muerta. Le truc en crâne quoi. Muerte. Moi j'ai un premier bail hein, avec le Black Pearl, c'est comment il fait pour avancer parce que toutes ses voiles sont déchirées. C'est-à-dire que c'est le vaisseau le plus rapide de l'Ouest, mais bah, il a pas de voile quoi. Donc, c'est balèze. Hein. Et tu sais moi en plus quand je regardais le film j'ai eu peur de pas être attentif parce qu'au bout d'un moment je vois plein de zombies sur le bateau, je fais putain mais qu'est-ce que j'ai pas compris là, pourquoi tout d'un coup il y a des zombies et tout. Et tu sais je remets en arrière, je fais putain mais il explique pas et tout. Tu sais la première scène avec plein de zombies, je fais putain mais ils ont total craqué et après à la fin il fait nous sommes des zombies parce que machin. Mais non, il l'explique de mauvaise langue. Il l'explique pendant la scène du repas. Non, mais il l'explique au bout d'une minute où tu vois des zombies. Il y a une minute où je sais pas pourquoi. Et moi, tu sais, vu que j'étais pas super attentif, je dois bien l'avouer. Je me suis dit, merde, j'ai raté un truc, j'ai rembobiné, tu vois. T'as rembobiné parce que tu la regardes en caisse. Absolument. Donc là, il y a. Il faut qu'on explique. On va faire un point malédiction. Ah oui, faisons un point malédiction. Alors, c'est très important. C'est nécessaire. Alors, il y a une dizaine d'années, ou il y a 2-3 semaines, il y a le capitaine Barbossa et tout son équipage qui ont volé un coffre aztèque avec des pièces de. Alors, attends, déjà, il faut expliquer qu'en fait, Jack Sparrow, c'était leur capitaine et qu'il y a eu une mutinerie et qu'ils l'ont abandonné sur une île déserte. Avant d'aller voler les pièces. Contre lui. Avant d'avoir les pièces. Bah, ouais, bien sûr. Avant d'avoir les pièces. Ouais, on explique tout ça. Donc là, on est en 93. Après, Jack Sparrow se représente l'année d'après au communal. Et là, pied de nez de. Non. Donc voilà, lui, il est pas dans la team qui a fait carton avec les pièces. Sinon, il serait en zombie lui aussi. Voilà. Et le bug des piécettes, en fait, c'est quoi? C'est que quand tu voles les pièces. Bah grosso modo, tu te transformes en zombie quand tu te transformes en clip de thriller dès qu'il y a la pleine lune. C'est ça. Et tu sens plus le goût des pommes. Tu manges plus, surtout d'ailleurs on se demande pourquoi ils avaient de la bouffe parce qu'ils ont pas besoin de ce nom. Ça sert à rien. Ah oui, j'ai pas dit ça, mais à un moment où cette scène où il explique, ils servent des plats. Ouais, ils servent des plats. Mais genre il y a un 4 étoiles sur le Black Pearl. Genre il y a le super cochon de lait et tout. À mon avis, ça doit être hyper galère. Et surtout pourquoi ils seraient chefs à la cuisine, ils mangent pas. Pas besoin de manger. Non, mais c'est vrai que la malédiction, elle est utile quand même pour faire des coups de théâtre. Genre vas-y, je vais boire du rhum et non, ça va couler partout. ça fait flipper ça. C'est dans l'attraction. Ça c'est une référence à l'attraction. Mais si, il y a une explication. C'est que lui, son but, c'est d'arrêter la malédiction pour pouvoir regoûter le goût des pommes. Donc ils ont de la bouffe aussi à bord pour pouvoir remanger une fois l'addiction. Ouais, mais bon, imagine, ils règlent le bail dans un an, ça va pourrir tout ce qu'ils ont acheté là. Ah oui. Non, mais ils ont un congélo. Et du coup, voilà, ils ont la seule façon, et c'est là où il y a un problème, hein, c'est la seule façon d'arrêter cette malédiction, c'est de rendre toutes les pièces dans le trésor. Mm-hmm. Et de faire couler le sang des Turner. Mais pourquoi que de Turner? Ouais, mais et pourquoi le sang aussi? Pourquoi pas la salive ou l'urine finalement? L'urine ça aurait été moyen. Il faut qu'il fasse caca dans le coffre. Faut que Turner chie sur les pièces. Vous mélangez le tout et après c'est bon. C'est un cas qui a raconté n'importe quoi pour que les mecs passent n'importe. On est sur un épisode un peu scato hein, quand même. Et c'est toi qui parles de la perle noire. Non mais là pourquoi c'est le sang du gars Turner, tu vois, genre, et pourquoi oui, son pourquoi, fils oui, et pourquoi machin. Enfin il y a un problème là. Julie. Joker. Le code quoi. Donc là ils vont sur l'île de la Muerta. Alors c'est pareil, il fait nuit parce que c'est quand même l'île de la mort, tu peux pas trop y aller le jour. Il fait nuit et dès qu'ils naviguent c'est la tempête hein. De toute façon t'as pas le choix, dès qu'ils mettent les voiles c'est le Cap Horn quoi. J'ai pensé à toi pour l'île parce que il y a aussi le chef-up des Incas hein, qui s'occupait de l'éclairage de l'île parce que elle est bien éclairée. Ouais. Putain c'est nickel hein. Des petits rayons de pleine lune ça fait des trucs. Là, il se passe n'importe quoi. La meuf arrive à s'enfuir avec William Turner. Ils sont sur un autre bateau. Ça, c'est le passage préféré de Greg, je crois. Non? Franchement, pour moi, c'est tout le long la même chose. C'est genre, il s'enfuit, il va en taule après, non? C'est pas ça? Et en gros, là, donc, pour faire court, William Turner, donc Legolas et Elisabeth, ils se retrouvent sur le bateau avec l'équipage de Jack Sparrow. Mais Jack Sparrow, je ne sais plus où il est à ce moment-là, il n'est pas là. Et ils sont poursuivis par le Black Pearl qui va plus vite. Mais là, d'un seul coup, Elisabeth, elle fait souquer les écoutilles, échauffer les artimons. Parce qu'elle raconte. Et genre, d'un seul coup, elle connaît tous les bails de la nave. C'est complètement débile. Et là, c'est complètement. Tout le monde l'écoute, quoi. Et surtout, elle fait mais qui es-tu? Il faut vivre à travers. Mais non, mais c'est trop risqué. Je t'élance, c'est notre seule solution. Elle n'en sait rien du tout, elle n'a jamais lancé. Elle sait même pas faire de la barre. De là, elle n'a jamais fait d'optimiste. Elle n'a pas fini son stage. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'en plus, la méga pirate l'écoute et le capitaine aussi, fait ok, fais ce qu'elle dit, mais pourquoi? En fait, c'est toi le capitaine. Pourquoi tu... Non, non, attendez, elle a fait voile niveau 1 au Glénan. Je pense qu'il est temps. Et surtout, après, donc du coup, l'idée, c'est de se battre en face-to-face avec le Black Pearl. Ah, ils font un demi-tour, en fait. C'est-à-dire 8 personnes contre 32 mecs immortels. Ouais, c'est mal barré. Hein. C'est chaud, hein, à mon avis. Ça va être balèze. Et personne ne meurt. Ne personne meurt. Ne mort. Exactement. Personne ne mort. Il n'y a aucun la super chérie. Personne ne mort à l'hameçon de ce piège. Personne ne crève, tu vois, alors que, bon, bah, je sais pas, les autres en face, ils ont l'air méta-sanguinaires. En vrai, ils auraient dézingué tout. C'est fou ça que dans un Disney, personne ne meurt. Hein. C'est inattendu quand même. Hein. Bah, si, dans le village, au début, ils tuent des mecs. Hein. Oui, mais tu vois pas bien quand même. C'est vite fait. Ouais. Ah oui, c'est ils vrai. Ils sont remis, je crois qu'ils ont été transportés à l'hôpital directement. Personne n'est mort. Hein. Là, t'as le plus gros raccourci scénaristique que j'ai vu de ma vie. C'est-à-dire que Will Turner est enfermé dans les cales de l'intercepteur qui est en train de couler. Le bateau explose, le plan d'après, il apparaît sur Blackbird, ta-ta-ta-ta, en sautant par-dessus la rambarde. Alors, déjà, mec, comment t'as fait? Pour survivre à l'explosion, survivre à la noyade, et surtout, comment t'as escaladé le Blackbird, mec? C'est trop chaud, quoi, t'es sous le bateau, c'est balèze. En effet, moi, j'ai pas de réponse trappes, à ça. Hein. Une trappe dans la coque du bateau. Et ensuite, c'est l'île déserte. L'île du Rhum. Bah, en fait, il rentre. Putain, on éclat. Ouais. Il renvoie Jack Sparrow, faut expliquer. En fait, ils sont capturés par le Black Pearl. Ouais. Et il le renvoie deuxième édition. Je comprends pas pourquoi il le tue pas tout de suite, hein, en fait, hein, finalement. C'est plus drôle. Ouais, c'est plus rigolo. Donc il l'abandonne sur son île avec quand même un pistolet chargé. Ouais, bon, c'est quand même une option. Mais il l'abandonne cette fois-ci avec la princesse. Il y a pire hein, comme malédiction, hein, du coup. Et du rhum. Bah, encore, je me dis, elle va se faire violer, la princesse. Là, c'est plus Koh-Lanta, c'est l'île de la tentation. Là, alors, c'est pareil, il saute, il a les pieds attachés, les mains attachées. Il saute du plongeoir. Le plan d'après, il apparaît sur la plage et il s'enlève les trucs autour des bras. Genre, ah, enfin, je me suis séparé de ce truc. Mais comment t'as nagé jusque-là? Il y a 3 km. Ouais, ouais. Et donc là, ils arrivent, petits appoils, parce qu'il y a du rhum. Ouais. Et ouais, du feu. Il avait laissé comment ils ont fait pour le feu? C'est-à-dire qu'il y a Denis Brogniart qui leur a apporté le feu? Ou, tu t'entends pas que c'est déjà tout long, il y a la musique de Koh-Lanta. Sur l'île, elle est pour les rouges. Sur l'île rouge, Jack Sparrow et la princesse. Brogniart, c'est pas un nom d'oiseau. Donc après, je sais pas, l'attaque finale, ils viennent les chercher. Là, c'est vraiment le bordel, c'est confus pour moi. Moi, j'ai eu peur pour Jack Sparrow quand même sur l'île. C'est le seul moment où j'ai douté parce qu'il a pas de démaquillant là. Tu sais, il commence à flipper. Putain, mon maquillage, il se barre. Putain, mon eyeliner. Tu peux me refaire là sous les yeux. Mais non, mais en fait, c'est même pas la scène finale parce que là, ils vont sur l'île des pirates, là où il y a le trésor. Les pirates sont là. Là, il y a le méchant pirate qui fait un discours à ses pirates, un truc qu'ils savent depuis 600 ans, vu qu'ils sont en malédiction. Il dit « Nous avons une malédiction !» Tout le monde fait « Ouais nous devons faire couler le sang de machin, prendre un... Oui, pourquoi, machin ?» Ouais, c'est super, enfin, c'est long, quoi. Et là, après ça, c'est pas fini, parce qu'il y a encore trois tôles. Ah oui, il y a encore 2-3 casse-prisons pour Jack Sparrow. Mais là, il fait un deal avec Barbas. « Ils expédient tout le monde au fond de l'eau. Tu t'en trouves avec 2 navires. Tu possèdes maintenant ta propre flotte. Bien sûr, tu gardes le plus gros comme vaisseau amiral. Tout le monde est d'accord. Mais pour ce qui est de la perle, nomme-moi capitaine. Je naviguerai sous tes ordres. Je te donnerai 10% de mes pillages et tu pourras te présenter comme le Commodore Barbossa. Laisse-moi la perle, s'il te plaît. Donc là après c'est toute l'attaque finale. Eux ils sont squelettes sous l'eau parce que il y a un piège et machin. En vrai c'est compliqué à expliquer, j'ai pas envie de le faire, mais quand tu vois le film pour la première fois, c'est quand même un scénario cool avec pas mal de rebondissements. Ils auraient pu vraiment nettement moins se faire chier, faire un truc à la Avatar, tu vois, genre à préférer, hein, parce que Non. Non, mais c'est tout le temps la même chose. Ça n'apporte rien à chaque fois qu'il y a. Commencez par les deux. Hein. Commencez par les deux, hein, Greg et Julie. Bon, il y a un petit. C'est lui qui m'embête. Elisabeth Turner, elle est enfermée dans sa chambre. Et du coup, avec ses draps et ses têtes d'oreiller, elle va faire une liane pour descendre du bateau. Ouais. Alors pour monter, t'as besoin de rien. Puis là, bah, elle peut juste sauter. Déjà, je comprends pourquoi elle se fait chier à faire tout ça. Moi, surtout qu'elle a fait un saut de 300 mètres dans la première partie du film. Donc et justement, elle descend dans une barque. Qu'elle a fabriqué quoi avec son lit et avec des lattes de lit et ses lampes de chevet. Enfin, tu vois, genre d'où ça sort. Et du coup, elle y va tranquille, personne ne remarque rien. Et là, il y a l'attaque des squelettes et ils vont attaquer tout le monde. Oui. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Vous arrêtez de dire oui, vous expliquez ou... J'ai rien à dire, fichier, en fait. J'ai pas envie d'expliquer ça en plus. Quoi. Nickel. Ah, pas du tout, j'aurais pas envie du tout. Julie ? Bon. Bah attends, c'est ton film préféré, hein. Alors va falloir le défendre mieux que ça. Bah t'as pas une anecdote avec des trucs d'oiseaux là. Et vous savez qu'on avait proposé à Robert De Niro de jouer le rôle de Jack Sparrow et qu'il pensait que les films de pirates c'était pas assez rentable. Et en fait, vu qu'il s'est trompé, après il a rejoué dans Stardust, le mystère de l'étoile. Je sais pas si vous avez vu ce film, qui sera un très bon film à faire dans, je pense, 2 heures de perdu. Je crois que j'ai bien aimé moi aussi. Et il a joué un pirate, le capitaine Shakespeare dans ce film. Voilà, c'était une petite anecdote pour meubler. Ouah, avec De Niro, ça aurait été parfait quoi. Fuck my life. Et il y a le dernier, la dernière Jurassic Park du film qui est ma préférée. Donc c'est-à-dire que le bateau est en train de se faire attaquer. Il est sans défense parce que toute l'armée du Commodore Norrington, ils sont dans des petites barques à la sortie de la grotte. Du quoi ? Du Commodore Norrington. Ah oui. Excuse-moi. Ils sont à la petite barque à la sortie de la grotte et ils voient très bien le bateau qui est, tu vois, à 200 mètres. De toute façon, il fait nuit et il n'y a pas un seul bruit. Et là, ça fait 20 minutes qu'il y a des coups de feu, le truc est en feu et machin. Et à un moment, il y a un des mecs qui décide de sonner la cloche. Et là, on entend ding ding ding. Et là, Norrington, il est sur sa barque et il se retourne parce qu'il entend la cloche. Et là, on entend, on voit un énorme bateau en feu, tu vois, je crois qu'il l'avait pas vu, quoi. Tu vois. Et là, il fait, oh putain, on s'est fait baiser. Donc là, il y retourne. Cascade, chorégraphie, triple salto, enfin. Ouais. Le truc avec les pièces, parce qu'il devient Jack Sparrow, machin, c'est complexe. Ouais. Personne n'a envie de l'expliquer, ce truc-là. Non, je suis vraiment tout seul. Vraiment, okay. Il devient quoi, attends Il devient zombie, hein, aussi, lui. Oui, bah justement, bah, il faut une sixième sens, en fait. C'est qu'en fait, on pensait qu'il était vivant, finalement. Il était mort. Mais bon, c'est le psychologue de personne, ensuite. Et à la fin, c'est la dernière scène finale. Avec la pendaison de Jack Sparrow. Ouais. Tu vois, ça c'est en trop, par exemple. Ça, c'est la scène en trop, ouais. Tu vois, il retourne en tôle, encore une fois, quoi. Tu vois, sans déconner, on le met en tôle et on va le tuer. Et surtout, au lieu d'arriver, tu vois, de le libérer, on se casse en courant, on saute. Non, il y a triple salto pour sauter un petit muret d'un mètre vingt. C'est un spectacle. Voilà, franchement. Donne du boulot au cascadeur, c'est bien, il faut. Et par contre, c'est une fin de film que je n'ai absolument pas compris, c'est-à-dire que. William Turner, il essaye de sauver Jack Sparrow, donc il se bat contre tous les flibustiers, tous les machins et tout. Il y a le Commodore Norrington qui arrive, il les coince, donc les deux mecs vont se faire dézinguer. Et là, Elisabeth, elle arrive, elle fait « Non, mais en fait, je crois que je suis amoureuse de William Turner. » Oui, d'ailleurs, le Commodore, il le prend bien, hein. Remarquons quand même que le Commodore est un gentleman du début à la fin. C'est vraiment pas le personnage de sale con que ça aurait pu être. Enfin, tu te dis pas un moment, putain, quel gros connard ou quel... Bah non, mais justement, toi, ils auraient pu en faire un méchant, entre guillemets. Attention, il est Commodore quand même. Voilà. Moi, je le trouve classe, le Commodore. Et à partir de ce moment-là, donc lui, il a le cœur brisé. Et il dit c'est bon, on vous laisse la vie. C'est-à-dire qu'il allait les buter, et à un moment, il fait bon, bah, nous, on s'en va. Et du coup, ils se retrouvent tous les trois. Ouais. Allez, camaraderie. Mais Jack Sparrow, il saute, il tombe. Enfin, chute qu'Elisabeth. Ils ont arrêté de le désinguer, tu vois. Ils l'avaient en joue, puis ils font bon, allez, c'est bon, on s'en va, les gars, on les laisse tranquilles. Moi, j'ai du mal à comprendre le choix de la princesse quand même, hein. De vouloir se marier avec le forgeron, en fait, passer de lui sur une île déserte avec Johnny Depp, quoi. C'est surtout qu'il y en a un qui ressemble à un elfe complètement imberbe et que l'autre ressemble plutôt à Keith Richards des Rolling Stones, quoi. Donc, moi, je sais qui j'aurais choisi. Hein. T'es attiré physiquement par Keith Richards des Rolling Stones. Mais moi, je sais pas si je serais attiré par le mec avec l'eyeliner en même temps, quoi. En même temps, Keith Richards, je serais pas serein avec lui. C'est sûr. Ouais, parce que s'il y a plus de rhum sur l'île, tu vas déguster. Parce que Legolas, à la limite, je sais pas, il va tailler un arc. Parce que lui, sa gueule d'hub, il va bien te faire chier. Quoi. Voilà. Donc voilà, c'était notre avis sur le film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Alors, 5 commentaires, 5 étoiles pour Pirates des Caraïbes. Pourquoi ? C'est quoi le film au fond ? Amazon, Halluciné ou juste un des deux ? Je crois que sur Amazon, il n'y avait pas grand-chose. Mais enfin, surtout Halluciné, de toute façon, comme d'habitude. On a Magic Melvie 24, qui est en fait Gérard Virgule. Mon film préféré, un chef-d'œuvre, des acteurs énormes, une musique magnifique, un superbe scénario, de très belles images, une saga mythique, un film de culte, un chef-d'œuvre. On a Govinou qui dit... Ce film est un bijou. Oh, je l'ai vu en VO au Japon. Ah, quel connard. J'ai été trop agréablement surpris par le jeu d'acteurs que nous présente Depp, du grand art. Depp. Tous les acteurs Depp. Tous les acteurs sont bons. C'est du grand spectacle. Avec au premier plan un grand méchant très efficace. À voir absolument si vous aimez les gentils qui sont très gentils mais un chouïa méchant, les méchants méchants mais un peu gentils et les anglais méchants mais gentils. Comprenez ce qui pourra. Bon, j'ai vu au Japon, je le rappelle. Comprenez qui pourra qui dit bah personne je pense. Hein. Ensuite on a Turlou qui dit oh les mecs, ne ratez surtout pas ça. Il nous interpelle, ça je trouve ça trop cool. Hey, en voilà un film d'action qui n'a en voilà un film d'action qui n'a pas de bagnole ni de langage ordurier. C'est Mickey qui l'a écrit le truc. Ouais. Avec des effets à vous couper le souffle, une histoire qui vous parle et vous amuse tout en vous divertissant. C'est la même chose. Et ce Johnny Depp, nom d'un dieu aztèque, il est fort. Hein. Pour une fois que l'armée américaine ne libère pas des pays. Et qu'on ne nous raconte pas pour la énième fois des histoires de nazis, faut en profiter, hein. Mais c'est trop... Profitons-en. On a Ben01 qui nous dit... Il me reste deux commentaires. Ce film est très bien, car il est amusant et palpitant. Les personnages jouent très bien leur rôle, car il est très compliqué de se battre à l'épée. Ah, ça c'est bien vrai. Et enfin, dernier commentaire... On a un visiteur, il ne donne pas son nom, qui dit « J'ai vraiment adoré ce film. Il vaut la peine d'être vu au cinéma. Je l'ai vu deux fois au cinéma. Les acteurs sont super. Bon, surtout Jacques Spirel. » Instagram, cette petite musique. Ah, mais vas-y, on le son, c'est bien malocrate. Ta-ta-tin. Alors, c'est le moment de tirer les films au chapeau. C'est une bonne musique de tirage au sort, d'ailleurs. Ah, c'est une super musique de tirage au sort. Alors. J'ai très envie d'en faire un. Tu veux tirer au sort, Mickaël ? Oui, tirer au sort. Allez, c'est Julien et Mickaël. Allez. Je sens que ça va être l'horreur. Oh là là, quel suspense. Alors, Mickaël ? Hackers. Ouf. Oh là là. Hackers. Proposé par qui ? C'est proposé alors, par quelqu'un, le ça. Problème, c'est que c'est une culture que je n'arrive pas à lire. Ah, c'est pas qui. C'est proposé par Izura21. D'accord. Ah parfait, il doit venir. Salut. Il doit venir. Il doit venir de Côte d'Or, représente. Et Julie, enfin. Mais Hackers, il y a quelqu'un qui l'a vu ce truc. Moi j'ai vu la bande-annonce, et vraiment ça a l'air à chier mais totalement. Ah, ouais, c'est genre Matrix sauf qu'il n'y a pas de Matrix quoi. Il y a que des hackers. Et alors là c'est. Je crois qu'il y a Halle Berry dedans, hyper jeune. Le baltringue. Fast and Furious 6. Oh non. Bon ok. Pourquoi pas le 7? Enfin moi aussi si tu veux. On fera le 6. Enfin, j'espère qu'il n'y en a pas 7 dedans hein, des Fast and Furious, parce que sinon. Je crois que quelqu'un a proposé le 7 aussi. Ah ok. Bon, et ben dans ce cas-là, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.